en signe de soutien à la cause juste de notre peuple qui défend la souveraineté du pays. Avec la puissante dissuasion nucléaire, Rosso Grimau, secrétaire exécutif du Comité de lutte pour la paix et la solidarité internationale du Venezuela, a publié un entretien le 13 septembre.